J'ai pas le style typique du mec que tu voudrais venir taper. J'ai pas non plus un air hostile qui donne envie de se planquer. J'ai pas la beau gosse attitude de vendetta à la taper. J'ai pas non plus la gueule en frappe qui me donnerait envie de me masquer. J'ai pas le joint au bout du bec ni les chicots déglingués. C'est pas parce que tu me regardes mal que j'aurais envie de te flinguer. J'ai pas l'habitude de boire du sec, un verre à 40 degrés. J'me fous que tu me traites de teubé, moi j'ai mis l'alcool de côté. Je n'ai pas tous les critères, pourtant je rappe. J'suis sûr tu kiffes un peu même si jamais tu n'avoueras. Le jour où tu feras, putain on criera tout sourat. Mais tu sais quoi, fais comme tu veux, perso j'm'en fous, j'm'en bats les noix. J'ai pas tous les critères, pourtant je rappe. J'n'ai plus la sable que j'avais, grand t-shirt et baggy large. Peu à peu mon rap s'éloigne du style ricain et soigne son image. Prend de l'âge mais la vie ne fait pas le moine. La vie ne fait pas de moi un mythonneur, un imposteur, un faux rappeur. Car je rappe toujours la main droite sur le cœur. Je n'invente rien dans mes sons, je ne change pas de vie comme de saison. Je reste vrai donc cessons les préjugés sans raison. Je n'ai pas la démarche adéquate du bad boy qui se déboîte les hanches quand il marche, à croire qu'il s'est pris une balle et qu'il boite. Je n'ai pas le vocabulaire racailleux, je n'ai rien d'un caïd. Tous les jeunes qui trouvent ça cool sont gros débiles ou naïfs. Je n'ai pas tous les critères, pourtant je rappe. Je suis sûr tu kiffes un peu même si jamais tu n'avoueras. Le jour où tu feras, putain on criera tout sourat. Mais tu sais quoi, fais comme tu veux, perso je m'en fous, je m'en bats les noix. J'ai pas tous les critères, pourtant je rappe. Je n'ai plus la sape que j'avais, grand t-shirt et baggy large. Peu à peu mon rap s'éloigne du style ricain et soigne son image. Je prends de l'âge mais la vie ne fait pas le moine. La vie ne fait pas le moine, regarde comme je défouraille. Pourtant je ne viens pas d'une cité mais d'un quartier tout calme. À part de retapage, j'ai eu mon bac au rattrapage. Mais je n'ai pas eu le meilleur palmarès de colle ni de séchage. Je n'ai pas de stupéfiant sur moi, tu peux passer ton chemin. Mon rap est stupéfiant, je sais mais beaucoup moins que demain. Pour toi j'ai pas ma place, j'ai pas vraiment la gueule de l'emploi. Dommage pour toi, mon rap fait déjà partie de la vie, avant casse-toi. Je n'ai pas tous les critères, pourtant je rappe. Je suis sûr tu kiffes un peu même si jamais tu n'avoueras. Le jour où tu feras, putain on criera tout sourat. Mais tu sais quoi, fais comme tu veux, perso je m'en fous, je m'en bats les noix. J'ai pas tous les critères, pourtant je rappe. Je n'ai plus la sape que j'avais, grand t-shirt et baggy large. Peu à peu mon rap s'éloigne du style ricain et soigne son image. Je prends de l'âge mais la vie ne fait pas le moine. La musique tu peux l'aimer de tellement de façons différentes. Y'a ceux qui l'écoutent vite fait, y'a ceux qui l'écoutent tout le temps. Y'a ceux qui l'écoutent en surface et qui se foutent des paroles. Et ceux qui sentent en profondeur tout l'art d'écrire son arôme. Pour moi chacun peut s'exprimer tout comme chacun a ses droits. Après c'est une histoire de goût, de choix, de rester à ses droits. Ne pas raconter que de la merde, passer certains messages. Même si de nos jours l'honnêteté et le rap font pas bon ménage. Je n'ai pas tous les critères, pourtant je rappe. Je suis sûr tu kiffes un peu même si jamais tu n'avoueras. Le jour où tu feras, putain on criera tout sourat. Mais tu sais quoi, fais comme tu veux, perso je m'en fous, je m'en bats les noix. Je n'ai pas tous les critères, pourtant je rappe. Je n'ai plus la sape que j'avais, grand t-shirt et baggy large. Peu à peu mon rap s'éloigne du style ricain et soigne son image. Je prends de l'âge mais la vie ne fait pas le moine. La vie ne fait pas le moine, regarde comme je défouraille. Pourtant je ne viens pas d'une cité mais d'un quartier tout calme. Yeah.